comme tant d'autres, le mal de vivre dès la naissance. Échec scolaire, règlement de compte, des abus tendres enfance. Mandat de dépôt pour des délits mineurs de son âge. Des parents divorcés et une mère alcoolique pour bagage. Les yeux rivés vers le sol, il comprend vite qu'il est seul. La débrouille avec ses moyens, c'est des histoires d'argent sale. Chez lui sa gueule, alors dehors rien qui nique la gaule. Une vie entière à se poser mille questions sur son avenir. Un diplôme, un souci, une famille complète à nourrir. Pour lui vient l'heure d'être ambitieux, donc refaire une erreur. La joie sur son visage c'est dur, car lui a connu que l'horreur. Il s'est juré de refaire qu'un dernier coup, mais les jurés le préfèrent derrière les verrous. Il laisse une famille seule et une mère avec des larmes. Il médite sur son comportement et le choix de ses armes. Histoire tragique où les acteurs sont toujours les mêmes. Le droit chemin est loin, il s'en écarte depuis qu'il est môme. Sinistre vie et galère en continu. Prison, mal de vivre, pas un rond pour cantiner. Histoire tragique où les acteurs sont toujours les mêmes. Le droit chemin est loin, il s'en écarte depuis qu'il est môme. Sinistre vie et galère en continu. Prison, mal de vivre, pas un rond pour cantiner. 5 ans passent, arrive le jour des retrouvailles de la douce France. En déficit, recherche d'un travail. Tour à la case départ et son esprit vient de bord. La rancune lui revient en discutant devant un verre de bière. Rien à perdre, tout à gagner dans cette vie de chien. Même celle qu'il aimait trouve son bonheur dans l'île d'un médecin. Agressé par la vie, le pauvre est né sous une sale étoile. Inconscient des risques, il tente le tout pour un coup seul. Un peu plus tard, on apprend sa disparition brutale. Paix à son âme pour un jeune à qui la vie n'a pas souri. Génération foutue pour des parents qui ont le cœur lacéré. Histoire tragique, encore vécue par un miséreux. On n'a pas tous la chance, on n'a pas tous les mêmes droits. On n'aime pas tous la France, on n'est pas tous des mecs droits. Histoire tragique où les acteurs sont toujours les mêmes. Le droit chemin est loin, il s'en écarte depuis qu'il est môme. Sinistre vie et galère en continu. Prison, mal de vivre, pas un rond pour cantiner. Histoire tragique où les acteurs sont toujours les mêmes. Le droit chemin est loin, il s'en écarte depuis qu'il est môme. Sinistre vie et galère en continu. Prison, mal de vivre, pas un rond pour cantiner. Une mère triste et des petits frères mal barrés dans la vie. La mosquée c'est loin, aucun connaît le terme si Dieu le veut. Il a laissé le souvenir d'être un jeune influençable. Les mauvais coups et la poisse l'avaient pris pour cible. Il est dans le trou et ça casse le moral des plus faibles. Le manque de sous laisse place au poudrier sans sable. Des cris de détresse mais jamais personne à l'écoute. Les soucis, le stress et il vivait la peau sur les côtes. On dit que c'est le destin et que nos histoires elles sont toutes écrites. Loin des romans et des sites comme télévisés. Ce jeune qu'était la risée que la mort a voulu viser. Une famille en deuil avec la haine et le cœur brisé. Histoire tragique où les acteurs sont toujours les mêmes. Le droit chemin est loin, il s'en écarte depuis qu'il est môme. Sinistre vie et galère en continu. Prison, mal de vivre, pas un rond pour cantiner. Histoire tragique où les acteurs sont toujours les mêmes. Le droit chemin est loin, il s'en écarte depuis qu'il est môme. Sinistre vie et galère en continu. Prison, mal de vivre, pas un rond pour cantiner. Histoire tragique où les acteurs sont toujours les mêmes. Le droit chemin est loin, il s'en écarte depuis qu'il est môme. Sinistre vie et galère en continu. Prison, mal de vivre, pas un rond pour cantiner. Histoire tragique où les acteurs sont toujours les mêmes. Le droit chemin est loin, il s'en écarte depuis qu'il est môme. Sinistre vie et galère en continu. Prison, mal de vivre, pas un rond pour cantiner.